pataugée. Dans la glace, la visiter avec sa face. Il faut être un peu niaiseux pour apprécier les charmes bruns de l'hiver. Patiner dans la gadoue, tomber sur le cul dans le mou. Il faut être assez niaiseux pour aimer les charmes bruns de l'hiver. Niaiseux, niaiseux, niaiseux, niaiseux, niaiseux, niaiseux. Skier dans le verglas, en profiter pour se casser le bras. Il faut être sûrement niaiseux pour jouir des charmes bruns de l'hiver. Faire de la raquette dans la boîte. Il faut être encore niaiseux pour vanter les charmes bruns de l'hiver. Niaiseux, niaiseux, niaiseux, niaiseux, niaiseux, niaiseux. Et faire le pied de grue, gelé comme tout nu. Il faut être un peu niaiseux pour jouir des charmes bruns de l'hiver. Niaiseux, niaiseux.